Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. C'est le repêchage de la Ligue de hockey Jean-Major du Québec en fin de semaine, et nos collègues de CKJ, Michel Tifo et Pat Bouchard, ont parlé avec l'instructeur-chef Yannick Jean, donc on écoute cette entrevue. Yannick, bonjour! Bonjour. Yannick, tu as commencé le week-end avec deux transactions pour t'avancer dans les sélections de repêchage. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais identifié certains joueurs? Oui, définitivement. On a fait des entrevues à travers la Ligue de hockey Midget 3. Il y a des joueurs qu'on essayait, qu'on voulait absolument repêcher. Puis, je peux pas vous dire, là, étant donné qu'on s'est avancé, on est reparti avec quelques-uns de ces joueurs-là. La non-utilisation de Keenan McIsaac, de McIsaac dans les séries nourrissait plein de rumeurs. Est-ce que à ce moment-là, Yannick, tu avais lancé la serviette pour McIsaac? Non, j'avais pas lancé la serviette. On sait que les joueurs des Maritimes, c'est toujours un peu plus long. Ils n'ont pas du hockey midget aussi fort qu'ici au Québec. Donc, toutes les fois que tu repêches un gars des Maritimes, il faut que tu t'attendes à ce que ça prenne une année supplémentaire. Donc, pour moi, McIsaac, c'était comme un joueur de 16 ans. Puis, tu sais, pour lui, ben, étant donné qu'on le considérait comme ça, puis il nous donnait, on pense, ce rendement-là, ben, lui, il nous donnait, là, pas nous donnait de raison, mais tu sais, il nous donnait pas nécessairement du bon hockey, manquait confiance un petit peu. L'autre chose qui est arrivée dans son cas, c'est qu'il, tu sais, deux années sans nécessairement jouer beaucoup, ben, il s'est un peu découragé. Il nous avait peur de ses intentions, peut-être, là, de se rapprocher de la maison. Il voulait pas nécessairement, là, poursuivre sa carrière, là, parce que il croyait pas nécessairement à lui qu'il pouvait le faire ici, là, à Chicoutimi, après deux années où est-ce qu'il avait pas beaucoup joué. Comment as-tu réglé ta dette avec Cap-Breton pour Alexandre Rangé? Ben, on a pris notre choix, on s'est reculé un petit peu, là, le choix, on est allé chercher l'Acadie Batters. Puis on leur a donné là, un choix loin là, en deuxième ronde, là, l'avant-dernier choix de la deuxième ronde. Ça fait en sorte qu'avec Rangé, là, tout est terminé de ce côté-là. Tes deux premiers choix sont des défenseurs, Yannick, en fin de semaine. Est-ce que c'est cette position-là que tu voulais vraiment améliorer au départ? Oui, définitivement. On voulait le faire. Il y a deux ans, on a repêché beaucoup de défenseurs. L'année passée, on est allé avec des attaquants. Cette année, plus avec des défenseurs. Tu sais, les bons attaquants avec des habitants individuels ont sorti tôt dans le repêchage. On voulait y aller avec le meilleur joueur disponible. Ça a bien fait parce qu'on avait vraiment besoin là, de défenseurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces deux défenseurs, Pellerin et Ferland? Ben, du côté de Pellerin, on l'avait très tôt sur notre liste. Là. On l'avait en milieu de première ronde. Je te disais, je suis obligé de te dire que c'est un défenseur qui bouge bien la rondelle. Il est un peu là, la nouvelle génération des défenseurs. Les Frédéric Allard joue un peu comme ça, bat la pression lui seul, est capable de bien bouger la rondelle, joue la tête haute. Tu sais, on le voit là, un peu avec Nashville dans les séries éliminatoires. Je pense que ça a été des précurseurs de ce côté-là. Nashville a repêché des défenseurs qui bougent bien la rondelle, puis Pellerin en est un de ceux-là. Du côté de Ferland, c'est un gros défenseur qui n'a pas fini de grandir encore. Va avoir besoin d'un autre année midget 3, là, définitivement, avant de jouer junior. Mais c'est un beau projet. Peut jouer là, peut-être là, à maturité là, dans la même chaise là, que Jérémy Rouleau. Les Saguenayens ont également réclamé deux gars de la région, Mikissi Awashish et Charles Tremblay, l'un qui est de Mastoyatch, l'autre de Saint-Félicien. Est-ce que tu voulais absolument acquérir des régionaux dans ton repêchage? Je ne veux pas dire que je voulais absolument accueillir des régionaux, mais je voulais absolument accueillir ces deux joueurs-là. Ils viennent de la région, tant mieux, ça fit exactement dans ce que nous, on veut par rapport au sentiment d'appartenance. Ces deux joueurs qui étaient aucunement question. On les a surpayés, mais on voulait les prendre dans une position où est-ce que c'était impossible qu'ils sortent avant ça. Du côté de Tremblay, c'est en venir que les élites, à la mi-saison, il y a une progression fulgurante. À Awashish, une capacité peut-être là, d'un jour, même en restant en jouant des deux côtés de la patinoire, de jouer peut-être sur un trio offensif s'il développe ses habiletés, s'il continue de développer ses habiletés individuelles. Je pense que c'est deux joueurs qui font l'unanimité dans le vestiaire. C'est deux joueurs qui sont très appréciés de leurs coéquipiers. C'est des bons étudiants, c'est des bonnes personnes. Ils ont tous les outils, ils ont toutes les qualités requises pour devenir des ambassadeurs pour les Saguenay puis des bons joueurs pour nous. Ils vont faire partie tantôt de notre ADN parce qu'ils ont les prérequis pour jouer avec nous. Mikici Awashish mentionnait dans les journaux en fin de semaine qu'il avait été inspiré par Francis Véropol, qu'il était ce genre de joueur fougueux. Crois-tu que ça pourrait ressembler à Véropol comme joueur? Ça peut ressembler, puis tu sais, personne ne s'attendait à ce que Francis fasse autant de points junior lorsqu'il a été repêché. Bon, on disait avec du développement, peut-être qu'il peut arriver un jour à jouer sur les deux premiers trios, une progression fulgurante. Je pense qu'à Awashish, ça peut vraiment là, peut-être ressembler à ça un jour. Et le jeune Tremblay a eu une progression impressionnante l'an dernier. Il a commencé dans le midget 2B, après ça avec les élites, puis là, il se retrouve junior majeur. Bien, évidemment, il n'a pas fait l'équipe encore, mais il a l'air d'avoir le guts pour le faire. Oui, bien, tu sais, on a parlé avec différentes épistoles, différentes équipes à travers la Ligue, puis je pense qu'il fait un peu l'unanimité. Je pense que je suis convaincu, tout le monde est convaincu que ce joueur-là va jouer junior. Nous, ben, il vient d'ici, on voulait pas le perdre. On pense qu'il peut continuer d'avoir un peu la même courbe de progression qu'il y a eu en fin de saison. À partir de là, ben, ça va être dans ses mains. Comment qu'il va être capable là, de jusqu'à où qu'il va être capable là, d'amener sa game là, pour devenir un bon joueur junior. Selon toi, Yannick, il y aura combien de places pour des recrues au camp d'entraînement à la fin de l'été? C'est une bonne question. On a eu un bon meeting avec nos joueurs repêchés après la séance de sélection. On leur a tout parlé. Il y en avait quoi? 13 sur place. On leur a dit, écoutez bien, là, il y a 5 attaquants de l'an passé qui reviennent. On va repêcher les Européens, mais il y a 3 défenseurs qui reviennent également. Tu sais, oui, on va peut-être faire des acquisitions à travers la Ligue, mais il y a beaucoup de places disponibles dans notre formation. On va voir qu'est-ce qui va être le mieux pour nos joueurs. Pas nécessairement qu'est-ce qui est le mieux pour les Saguenay à court terme. On va voir qu'est-ce qui va être le mieux pour nos joueurs. On forcera pas la progression ou l'arrivée d'un joueur qu'on vient de repêcher si on calcule que les retournées midget 3, c'est la meilleure chose pour eux autres. On se rappelle David Noël, on se rappelle La Palme, on se rappelle ce qu'on a fait avec Marcotti et Larose cette année. Il y a des joueurs pour qui retourner midget 3, c'est vraiment la meilleure chose. Puis c'est la décision qu'on va prendre là, avec nos joueurs qu'on vient de sélectionner également par rapport à leur année 16 ans. Mais je suis convaincu que beaucoup de ces joueurs-là, que l'année prochaine, au camp d'entraînement, vont faire partie de notre équipe. As-tu commencé à identifier tes joueurs de 20 ans? Oui. Est-ce qu'on peut les confirmer? De plus en plus, pas nécessairement les confirmer, mais tu sais, pour l'instant, on va travailler en fonction d'avoir les jumeaux Climat, Galipo et Louis-Philippe Simard au camp d'entraînement. Galipo va partir dans un camp professionnel. Quand t'es pour Louis-Philippe, c'est un gars de la région, puis c'est un gars d'ici, on veut continuer de travailler avec lui si c'est possible. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Si Galipo revient puis est avec nous, ben c'est certain que peut-être que Louis-Philippe va écoper, mais on va regarder de ce côté-là. On va discuter avec lui, voir si lui a un intérêt là, de faire ça également là, dans les prochains jours. Dans les buts, ça va être des jeunes, mais Xavier Potvin pourra demeurer? Non, Xavier, on ne veut pas ramener Xavier au camp d'entraînement, le retrancher après. On veut être correct, c'est un jeune qui a été très bon pour notre organisation. On veut lui donner la chance ailleurs si possible, sinon de se faire une niche à quelque part. C'est toujours mieux de le ramener de ramener quelqu'un comme ça en cours de saison que d'avoir à le retrancher. Donc, c'est la raison pour qu'il sera pour camp d'entraînement. Si je comprends bien, il pourrait y avoir encore des transactions, Yannick. Oui, il pourrait y avoir des transactions. Tu sais, il y a Brendan Hamelin qui est disponible. Nos 20 ans, dans le fond, restent disponibles, mais les joueurs de 20 ans que je t'ai nommés là, c'est ceux que je m'attends à voir au camp d'entraînement. Yannick Jean, bon été. S'il se passe quelque chose, ben on se reparlera au téléphone. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Super.